Samantha Fox et son titre Touch Me sur RGM. À peu plus de 8h36, on parle anniversaire avec ceux qui sont nés un 15 avril 1936, naissance de Raymond Poulidor, cycliste français qui a été très populaire en France, en dépit de son statut d'éternel second sur le Tour de France, épreuve qu'il n'a jamais gagnée et au cours de laquelle il n'a jamais porté le maillot jaune, mais dont il détient le record de podium, 8. Il a cependant remporté le Tour d'Espagne en 1964. 1938, naissance de Claudia Cardinale, actrice italienne vue dans Le Pigeon, Rocco et ses frères dans le rôle de Ginetta, Cartouche, Le Guépard ou encore Il était une fois dans l'Ouest dans le rôle de Jill McBain. 1950, naissance de Josiane Balasco, actrice réalisatrice française, connue pour son rôle de Nathalie dans Les Bronzés font du ski et Les Bronzés 3. Vue aussi dans Les Hommes préfèrent les grosses dans le rôle de Lydie Langlois, Le Père Noël est une ordure dans le rôle de Madame Musquin, Les Frères Pétard, Gazon Maudit dans le rôle de Marie-Jo, Didier, Joséphine Sarondi, Retour chez ma mère, Les Nouvelles Aventures de Cendrillon, bientôt à l'affiche du film All Inclusive de Fabien Antoniente, sortie prévue pour cette année. Elle incarnera le rôle de Lulu, réalisatrice de Gazon Maudit, qui lui a d'ailleurs valu le César du meilleur scénario original ou adaptation, ou encore du film L'ex-femme de ma vie. C'est également l'année de naissance de Django Edwards, clown et comédien américain. 1959, naissance d'Emma Thompson, actrice scénariste britannique, vue dans Au nom du père, Raison et sentiment dans le rôle d'Elinor Dashwood, Love Actually dans le rôle de Karen, Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, Harry Potter et l'ordre du phénix et Harry Potter et les reliques de la mort partie 2 dans le rôle de Sybil Trelawney, Men in Black 3 dans le rôle de l'agent O, Bridget Jones Baby dans le rôle du docteur Rawlings, scénariste du film Raison et sentiment, récompensé par l'Oscar du meilleur scénario adapté, Orgueil et préjugé ainsi que de Bridget Jones Baby. C'est également l'année de naissance de Thomas F. Wilson, acteur américain connu pour son rôle de Biff Tannen dans Retour vers le futur 1, 2 et 3. 1963, naissance de Philippe Lucas, ancien nageur devenu entraîneur français qui était l'entraîneur, on s'en souvient, de Laure Manaudou. 1966, naissance de Samantha Fox, chanteuse anglaise. 1968, naissance de Ed O'Brien, guitariste britannique du groupe Radiohead. 1976, naissance de Suzanne Ward, actrice américaine connue pour son rôle de Meg Cummings Evans dans la série télé Sunset Beach, vue également dans Friends, Les Experts ou encore Esprit Criminel. 1979, naissance de Luke Evans, acteur américain vu dans Le Choc des Titans dans le rôle d'Apollon, Robin des Bois de Ridley Scott dans le rôle du shérif Tug, Les Trois Mousquetaires dans le rôle d'Aramis, Fast and Furious 6, 7 et 8 dans le rôle d'Owen Shaw, vu également dans Le Hobbit, La Désolation de Smaug et Le Hobbit, La Bataille des Cinq Armées dans le rôle de Bard l'Archer, en 2017 dans La Belle et la Bête où il a interprété le rôle de Gaston. 1982, naissance de Seth Rogen, acteur canadien, vu dans En Clock, Mode d'Emploi, The Green Hornet dans le rôle de Britt Reed alias The Green Hornet, Nos Pires Voisins 1 et 2 dans le rôle de Mac Radner ou encore Steve Jobs dans le rôle de Steve Wozniak. 1990, naissance d'Emma Watson, actrice britannique, connue pour son rôle d'Hermione Granger dans la saga des Harry Potter, vue également dans The Bling Ring, Noé dans le rôle d'Ila, La Belle et la Bête en 2017 où elle incarnait Belle. En 2019, elle sera à l'affiche du film Les Quatre Filles du Docteur Marsh où elle incarnera Meg Marsh. 1995, naissance de Cody Christian, acteur américain, connu pour son rôle de Mike Montgomery dans la série télé Pretty Little Liars et son rôle de Théo Reken dans la série Teen Wolf. 1999, naissance de Denis Shapovalov, joueur de tennis canadien, professionnel depuis 2016, meilleur classement ATP, la 20e place atteinte le 1er avril de cette année. 8e de finaliste à l'US Open, 16e de finaliste à l'Open d'Australie et 32e de finaliste à Roland-Garros ainsi qu'à Wimbledon. En 1719, décédée Madame de Maintenon, seconde femme de Louis XIV. En 1764, décédée Madame de Pompadour, maîtresse de Louis XV. En 1865, décédé Abraham Lincoln, qui fut 16e président des États-Unis. En 1912, décédé Thomas Andrews, l'architecte du Titanic, ou encore Edward John Smith, le commandant du Titanic, ainsi que beaucoup d'autres membres d'équipage et passager. En 2001, décédé Joey Ramone, chanteur du groupe punk rock Ramones. Et en 2018, on apprenait le décès de Early Ernest, acteur américain célèbre pour son interprétation du sergent Hartman dans le film Full Metal Jacket. Allez, tout de suite, on écoute Radiohead avec leur titre Creep. Creep des Radiohead sur le 107 FM, un peu plus de 8h45, on parle météo. La météo. Alors, aujourd'hui, ce sera une journée ensoleillée avec tout de même quelques petits nuages, des températures comprises entre moins 1 et 0 degrés ce matin, entre 15 et 16 degrés cet après-midi. Mardi, ce sera de la pluie, des températures comprises entre 2 et 3 degrés le matin, entre 12 et 14 degrés prévus pour demain après-midi. Mercredi, journée mitigée, alternance d'éclaircies et de pluie, des températures comprises entre 6 et 7 degrés mercredi matin, entre 14 et 15 degrés prévus pour mercredi après-midi. Allez, on passe tout de suite à l'actu sportive. Les résultats sportifs. Allez, c'est parti, beaucoup de choses à dire en ce lundi matin et on commence tout de suite avec le football et les résultats de la Ligue 1 et le match nul 0 partout entre Dijon et Amiens. Nantes s'est imposé 2-1 face à Lyon, Marseille s'est imposé 2-1 face à Nîmes, Angers s'est imposé 1-0 sur la pelouse de Caen, Monaco et Reims ont fait match nul 0 partout, Strasbourg et Guingamp ont fait match nul 3 partout, Montpellier s'est imposé 2-1 face à Toulouse, Rennes et Nice ont fait match nul 0 partout, Saint-Étienne s'est imposé 3-0 face à Bordeaux et le Paris Saint-Germain a été humilié hier soir à Lille, 5-1. Le Paris Saint-Germain devra donc encore attendre avant d'être sacré champion, à croire qu'ils le font exprès. En tout cas, Lille solide deuxième au classement et voit de plus en plus la qualification pour la Ligue des Champions l'année prochaine. En Ligue 2, Metz s'est imposé 2-1 face à Châteauroux et Nancy s'est incliné 2-3 face à Brest. En National 2, Épinal s'est imposé 2-0 face à Sainte-Geneviève. En National 3, Raon-l'Étape s'est incliné 1-0 face à Mulhouse. Et Thaon-les-Vosges s'est incliné à Saint-Runion 4-1. En basket, en Pro B, défaite de Nancy à Rouen 82-68. En National 1, victoire du Jet Vosges face à Tarbes 96-84. En National 3, victoire de Mirecourt à Ozoir-Val d'Europe 60-67. Un mot de handball avec la qualification pour 2020 où la France a pris sa revanche hier face au Portugal en s'imposant 33-24. La France reprend la tête de son groupe. Un mot de golf avec le Masters d'Augusta et le comeback avec la victoire de Tiger Woods. Un mot de cyclisme et le Paris-Roubaix a vu la victoire de Philippe Gilbert. En Formule 1, le Grand Prix de Chine a été remporté par Hamilton devant Bottas et Vettel. Le monégasque Leclerc s'est classé 5e, Pierre Gasly lui 6e et Romain Grosjean 11e. Un mot avec le marathon de Paris et côté féminin, la victoire de Burka et Clémence Calvin a pris la 4e place et côté messieurs, la victoire de Milo et à noter la belle performance de mon cousin, je vais être chauvine et pour une fois je vais passer un message personnel, je suis très fière de lui puisqu'il a terminé ce marathon de Paris en 3h17, ce qui le classe 4085e sur 48 996 participants. Donc voilà, très belle performance. À noter qu'il a fait mieux que Camille Lacour. Eh oui, Camille Lacour a terminé ce marathon en plus de 4 heures. Et un autre Vosgien y était, notamment Mathieu Péché, qui lui a terminé ce marathon de Paris en 2h48. En tout cas, bravo à tous ceux qui ont terminé ce marathon. Un mot de hockey sur glace avec tout d'abord le mondial féminin et alors un match à rebondissement hier soir entre les États-Unis et la Finlande. Alors la Finlande marque pendant la prolongation, les Finlandaises se croient championnes du monde. Or après vidéo le but est annulé, il faut donc reprendre le match. Les deux équipes ne se départagent pas pendant le reste de cette prolongation. Les deux équipes vont donc au tir au but et au final ce sont les Américaines qui remportent cette médaille d'or. Voilà, donc finale à gros rebondissement. Un mot avec le mondial U18 et les Bleuets qui ont battu les Ukrainiens après prolongation hier. Et l'équipe de France masculine avait une double confrontation ce week-end avec la Russie et malheureusement deux matchs et deux défaites pour nos Bleus, 4-1 et 2-0. Et du côté de chez nous, en Détroit, quart de finale, retour dans une patinoire pleine à craquer et dans une ambiance comme on a rarement vu. Eh bien, les Spinaliens se sont imposés 10-2 face à Poitiers et sont donc qualifiés pour le carré final qu'ils vont organiser avec Courbevoie, Annecy et Toulon. Très belle ambiance avec d'ailleurs les supporters spinaliens qui ont salué les deux buts inscrits par les membres de l'équipe de Poitiers. Et à noter qu'à la fin du match, le capitaine des Dragons de Poitiers s'est pris tout simplement pour une otarie. Il a fait le spectacle dans la patinoire de Poissonpré où il a sauté au-dessus de 6 joueurs alignés. Il y avait 3 joueurs de Poitiers et 3 joueurs spinaliens. En tout cas, voilà, très belle ambiance et on va écouter tout de suite à la réaction du coach Nicolas Martin. Nico, comment on aborde un match comme ça en ayant gagné 18-2 à l'aller, en sachant qu'il n'y a pas trop de risques pour le match retour? Comment on aborde ça? On a pu le voir ce soir, c'est un peu compliqué de se mettre dedans parce qu'on a beau répéter aux joueurs qu'il faut démarrer le match à 0-0 pour être dans les meilleures conditions et puis jouer avec le maximum d'intensité, mais indirectement on sait que dans la tête on a une petite avance, enfin on a une grosse avance au niveau du score, donc on se permet des libertés qu'on ferait pas sur une équipe plus forte. Donc maintenant, comme j'avais déjà dit, j'aurais préféré un match un peu plus accroché pour se mettre dans des meilleures conditions pour le carré. Maintenant, on a quand même joué, on a eu un peu d'intensité quand même. Et maintenant, l'objectif, c'est vraiment de bien récupérer et puis de se projeter sur le carré final et d'aller jusqu'au bout. Justement, le carré final, il va vite arriver. Hein. C'est dans une semaine, mais on sait que le temps passe vite. Quelle va être la préparation justement jusqu'à samedi? Moi, ce que j'ai demandé aux joueurs, c'est déjà d'avoir une hygiène de vie très correcte durant toute la semaine. Bien manger, de bien se reposer, parce que 3 matchs en 3 jours, ça va être assez intense. Et si on n'est pas prêt physiquement et mentalement, on peut se retrouver dans des situations où on courira après le score, où on va se mettre dans une position un peu délicate. Et là, voilà, c'est des matchs confrontation directe, donc on n'a pas le droit à l'erreur. Et justement, bien se préparer, ça peut passer par certains, par exemple, par prendre quelques jours de congé pour bien se préparer. C'est ce que j'ai dit aux joueurs, s'ils peuvent se permettre avec leur boulot et tout ça, d'être un peu, de prendre un petit peu de temps de repos pour ne pas avoir une semaine trop chargée au niveau de leur travail. S'ils peuvent le faire, ce serait bien. Nous, on va faire des entraînements aussi de manière à ce que les mecs prennent du plaisir et sans mettre trop d'intensité pour vraiment garder tout l'influx sur le week-end. Mais encore une fois, voilà, on a travaillé toute la saison pour ça. Maintenant qu'on y est, on a fait une grosse préparation physique un peu tout l'été avec les 3/4 des joueurs. Donc j'espère que ça va payer dans le week-end. Et pour terminer, un petit mot sur l'ambiance de ce soir qui a été vraiment exceptionnelle. Ouais, ça rappelle de bons souvenirs, mais il y a longtemps qu'on n'a quand même pas vu ça à Poissompré. Je le dis et je le redis, je félicite vraiment ce public qui nous soutient et qui nous suit depuis le début. Là, on peut le voir ce soir, en sachant que le match était quand même un peu plié d'avance, il n'y avait pas un enjeu important. Mais c'était plein à craquer. Voilà. Ils étaient tous là, ils ont répondu présent, donc ça, j'arrête pas de le dire aux joueurs, ça doit être une motivation pour eux énorme. Ils doivent se servir de ça pour justement montrer quelque chose et aller jusqu'au bout. Ok, merci. De rien. Voilà donc pour la réaction du coach Spinalien. À noter qu'Épinal a dû se passer des services de Guillaume Chassard ce week-end et il devrait malheureusement ne pas jouer pour le carré final. Guillaume Chassard qui souffre d'une fracture du pied, donc ça paraît très compliqué pour qu'il soit remis d'ici samedi. Mais en tout cas, on ne doute pas que la fête sera belle, en tout cas à Épinal pour ce week-end de Pâques. Allez, on termine cette actu sportive avec de la gymnastique et les championnats d'Europe et une belle pluie de médailles pour l'équipe de France avec l'argent aux arçons pour Thomas Sann. Alors Mélanie de Jesus dos Santos qui a récolté la médaille d'or au sol, la médaille d'or au concours général et la médaille d'argent en poutre. Charpie a remporté la médaille de bronze en poutre et De Villard a remporté la médaille d'argent au saut. On termine avec le tennis et à Marrakech la victoire de Benoît Paire qui s'est imposé en finale face à Andourar et a débuté le tournoi de Monte Carlo. Et hier, l'élimination d'entrée de jeu de Lucas Pouille qui s'est incliné face à Stan Wawrinka et l'élimination de Humbert face à Rublev. Aujourd'hui, Jérémy Chardy affrontera Kukushkin. Voilà pour l'actu. On marque tout de suite la dernière pause avec les Ramones et leur titre « Baby, I love you ». Eh bien voilà, c'était les Ramones avec leur titre Baby I Love You sur RGM. Et nous, eh bien, il est bientôt 9h. Il est donc temps pour moi de vous dire au revoir et de vous souhaiter une excellente journée. Bye bye.